Je n'ai pas voulu tomber si bas, mais ma faiblesse a pris le dessus. Le content me paraît si loin, assiné mon ivresse. Bien sûr, je n'ai pas l'excuse, mais c'est bien vrai. Mais que ferais-tu à ma place? Comment me remettre de son envol? Pas même un ange ne la remplace. Mes enfants souffrent et je fais face à mon impuissance. Quelques coups d'artifice suffisent à me bercer d'insouciance. Donc je m'enfuis en me noyant viscéralement dans ces bouteilles. J'ai si honte, mais dans ce vide l'ami, tant de vie sans bouteille. Je m'en couvre au fur et à mesure, sans mesurer les conséquences. Et la tristesse m'a l'usure, démesurée est la fréquence à laquelle je me sers un verre pour m'y noyer volontairement. Un verre en place en les prières, et ce depuis son enterrement. Malheureusement, l'alcool est la seule porte vers l'oubli. Dans l'état où je me trouve, c'est la seule que je puisse souffrir. Je me sens submergé par ces larmes qui forment une pluie. Car il est trop difficile pour moi de vous voir souffrir. Quoi que je fasse, rien ne va. Quoi que je dise, ça ne change pas. Submergé par le désespoir, je vois pour que tout soit moins noir. Pourquoi me l'a-t-on enlevé? Je ne peux vivre sans elle. Je rêvais de m'envoler, mais comment pourrais-je sans elle? La mort, tout le monde y passe, mais plus j'y pense, plus je me dis que cette blessure ne se pense. Et que les souvenirs ne s'effacent que grâce à cette merde qu'on appelle alcool. Et qui me pourrit jusqu'à la moelle. Ça laisse des traces dans mon corps, mais surtout dans leur cœur et dans leur tête. Pour eux, il faut que je m'arrête. Je me rappelle avant qu'elle parte, nous étions si heureux. Aujourd'hui, regarde-moi, je me sens lâche et peureux. Je me rappelle, je la voyais tout en sourire. Elle était belle, il y a tant de bons souvenirs. Fils, j'espère que tu te souviens des bons moments passés ensemble. Depuis ta plus tendre enfance, depuis le bac à sable, on avait le sourire aux lèvres et ceux de janvier à décembre. Aujourd'hui, le temps s'est arrêté, il n'y a plus de grains de sable. Quand j'essaye de me ressaisir, mais elle me manque tellement, je n'ai plus de plaisir pour rien. Et je n'ai pas le courage de leur dire qu'un beau jour le malheur se dissipera. Je ne protège pas mon seul entourage, mon fils et ma fille qui me disaient si brave. M'observe détruire lentement et me voit périr. Pourtant, je ne réagis pas, j'ai si honte de moi. Je sillonne le noir et les ténèbres me broient. Quoi que je fasse, rien ne va. Quoi que je dise, ça ne change pas. Submergé par le désespoir, je vois pour que tout soit moins noir. Pourquoi me l'a-t-on enlevé? Je ne peux vivre sans elle. Je rêvais de m'envoler, mais comment pourrais-je sans elle?